On a demandé aux parents par lettre leur collaboration qui viennent reconduire les enfants à l'école. On parle de ceux qui prennent l'autobus, évidemment. Puis l'école demeure ouverte, puis pas juste ouverte, les cours se donnent, les écoles continuent comme à l'habitude. Et à ce moment-là, ça va avoir beaucoup plus d'affluence. Enfin, on pense, par exemple, à Polyvalente, à Carrefour, on a plusieurs élèves qui sont véhiculés. À ce moment-là, ben, si les parents peuvent venir les reconduire, puis d'utiliser des artères autour de l'école qui ne dérangeraient pas trop, c'est ça qui serait l'idéal.